Je pense que je l'ai jeté sous la vie dans que pays, dans une vie antérieure. La fois que je t'ai dit, va pas à Pompéi. C'est quoi d'abord, si c'est pas ça, c'est à cause d'un gars qui te tordu le cœur. J't'arrive et avant que tu meurs. C'est pas pour mon argent, ni pour ma beauté, ni pour mon talent. Tu voulais, tu me tuais. Et midi tapant et la femme de ménage, à cognant hurlant, je veux changer de personnage. Tellement, tellement, tellement belle, j'vais bénir la rue, j'vais brûler l'autel. Coudon, tu m'aimes-tu? Tu m'aimes-tu?

Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, qu'elle disait. Et c'était beau comme un poème, ce qu'elle disait. Smelling sweet. Move up the road to the outside of town and the sound of that good gospel beat. Sits a ragged tent where there ain't no trees and that gospel. Telling you suddenly still, and when you'd almost bet you could hear yourself sweat, he walks in. Eyes black as coal, and when he lifts his face, every ear in the place is on him. Starting soft and slow, what it's there for. Hallelujah. And when your heart is troubled, you gotta reach out your other hand. Hallelujah. Reach it out to the man up there, cause Hallelujah. That's what he's there for. Hallelujah. Take my hand in yours, walk with me this day. In my heart I know I will never stray. C'est un temps, il y a longtemps, j'étais tout jeune, j'avais 16 ans. Mon sac à dos sur une épaule, sur l'autre la vie. J'étais parti refaire le monde avec mes idées vagabondes, dans un village près de la Sicile en Italie. Je vivais la vie comme on la vit quand on est jeune et sans souci, comme un voyou, comme un bohème. Je faisais la fête à toutes les nuits, j'osais même danser sous la pluie, et jusqu'à l'aube, chantais pour elle. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie, de toutes les filles, t'es la plus belle. Je passais mes journées sur la plage à dessiner son doux visage, à boire du vin et à jouer la dolce vita. Sur le dos d'une vieille bicyclette, j'alluais les mômes et les vieux prêtres, jusqu'au marché où j'achetais mon pain et mes fruits. Sur la grande place près de l'église, je parlais de sport, de guerre, de crise, avec les fous et les poètes. Puis je descendais à la fontaine, où je la retrouvais toujours plus belle, et je lui chantais ma douce folie. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie, de toutes les filles, t'es la plus belle. Ciao bella, ciao. L'été fini, j'ai dû revenir saluer tous mes vieux souvenirs et dire adieu à ses beaux yeux, à son soleil. J'ai laissé ma vieille bicyclette, mon sac à dos et toutes mes dettes à un paumé nommé Silvio Berlusconi. dans un avion d'Alitalia. J'suis revenu embrasser papa, j'ai repris l'école, j'ai revu l'hiver. Mais dans mon cœur et dans mes rêves, j'garde encore le goût de ses lèvres et je fredonne cette mélodie. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie, de toutes les filles, t'es la plus belle, la plus belle. Ciao bella, ciao piccina mia, ciao come stai amore mio, come mi piaci, come sei bella. Bonjour, bonjour ma belle amie, toi qui es douce et si jolie, de toutes les filles, t'es la plus belle. Ciao bella, ciao. Mon rêve est un oiseau qu'on ne peut mettre en cage. Ma voix est un drapeau, un désir, un courage. Même si parfois je tombe, bousculé par le vent, je m'en relève toujours et poursuis droit devant. Mon cœur est un bateau qui ne sait faire naufrage. Ma foi est un cours d'eau, un amour, une orage. Même si parfois je tremble et subis la tempête, jamais je ne renonce, jamais je ne m'arrête. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, suis ta course folle, va toucher le beau. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, vole plus loin et toujours plus haut. Parfois mes ailes se brisent sur le dos des nuages, parfois mes yeux s'épuisent et je ne vois que des mirages. Mais mon rêve reste là, il refuse de se rendre. Il lutte malgré le froid et vit malgré le monde. Un jour j'arriverai au bout de mon voyage. Un jour je me poserai et toucherai un rivage. Alors je serai libre, aussi libre que le vent. Et la vie sera belle, aussi belle qu'un enfant. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, suis ta course folle, va toucher le beau. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, vole plus loin et toujours plus haut. Mon rêve est un oiseau qu'on ne peut mettre en cage. Ma voix est un drapeau, un désir, un courage. Même si parfois je tombe, bousculé par le vent, je me relève toujours et poursuis droit devant. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, suis ta course folle, va toucher le beau. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, vole plus loin et toujours plus haut. Vole, vole, toi mon bel oiseau, suis ta course folle, va toucher le beau. Allez, vole, vole, toi mon bel oiseau, vole plus loin et toujours plus haut. Well, I got a woman way across town. She's a good to me. Oh, oh, yeah. Say, I got a woman way across town. She's a good to me. She says her loving early in the morning, just for me. Oh, oh yeah. She says her loving early in the morning, just for me. Oh yeah. She says her loving just for me. Yeah, you know she loves me.

They keep things loose, they keep things alive. c'est mort dans ma tête. C'est l'hiver, la tempête. Moi que c'est mon pays chaud, j'ai le nom dans la peau. C'est mon visage qui me trahit, se cache les âges que j'oublie. À quelque part sous mon passé, où je suis mort, je suis né. Au seuil du grand boulevard, mes poèmes, vos mémoires, l'aveugle et le cochon, la gueule et mon regard. Au seuil du grand boulevard, mes poèmes, vos mémoires, l'aveugle et le cochon, la gueule et mon regard. J'ai plus de jus dans les nerfs, sous le désert dans mon corps, la descente c'est l'enfer. Et puis la crème m'a fait y croire. Je boirai le cru de mes peines. Faut que je relivre, c'est ma peine. Mes rêves crèvent et j'y vais. Je ferai l'amour à la haine. Au seuil du grand boulevard, mes poèmes, vos mémoires, l'aveugle et le cochon, la gueule et mon regard. Au seuil du grand boulevard, mes poèmes, vos mémoires, l'aveugle et le cochon, la gueule et mon regard. Discovered you, and in your eyes I found a love that I couldn't ignore. Down came the sun, fast beat my heart. I knew as the sun set, from that day we never part. Down, down, down, down came the sun. Fast, fast, fast, fast beat my heart.

since I don't have you. Yeah. made sweet love with me. Don't give a sign, oh baby. See you dancing in the sun. Music made off a video. Don't let us down, oh baby. I just can't stand. Oh! gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swaying, like some violins are playing weird and haunting melodies. People used to love to hear her laugh, see her smile. That's how she got her name. Since that sad affair, she's lost her smile, changed her style. Somehow she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where her other dreams fell through. Hurry, new love, hurry here, to kiss away each lonely tear and hold her near when Sunny gets blue. Hurry, new love, hurry here, to kiss away each lonely tear and hold her near when Sunny. quartier, oh chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver, quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait toute la rue Sherbrooke bordée de cocotiers, avec perché dessus des tas de perroquets, et tout le Mont-Royal couvert de bananiers, avec des petits singes qui se balanceraient le long du Saint-Laurent. On pourrait se baigner tout nu en plein hiver et se faire bronzer. Quartier, quartier, oh chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait le pont Victoria, tout de lianes tressées. On le traverserait en portant des paquets sur la tête, en riant et sans chaussures aux pieds. On jouerait du tam-tam et du ukulélé, et toute la rupie sentirait l'oranger, la menthe, le jasmin, le lotus, l'orchidée. Quartier, quartier, oh chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait sur l'avenue des Pins des girafes étonnées de voir des écureuils leur passer sous le nez, de gros éléphants blancs sur la rue des Lauriers et la place Ville-Marie en forme de minaret, des tempêtes de sable tout chaud et tout doré sur lequel en janvier il ferait bon rêver. Quartier, quartier, oh chaque quartier, si t'avais navigué à l'envers de l'hiver. Quartier, quartier, si t'avais navigué du côté de l'été, aujourd'hui on aurait Montréal à Dakar, Conakry, Tanger, Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe, Montréal à Aden, Fremantle ou Bombay, Montréal à Java, Bornéo, Papété, Montréal à Phnom Penh, à Bangkok, à Ubé, Montréal à Hong Kong, Canberra ou Sydney, Montréal à Dakar, Conakry ou Tanger, Montréal à Tokyo, Kyoto ou Kobe, Montréal à Aden, Fremantle ou Bombay, Montréal à Java, Bornéo, Papété. Shall provide sous les monts. Yeah. wings of a flame. Thank you. Annie avait 9 ans, c'était en 1960. Shaped like a cannonball. Say every time she loves me, Lordy, you can hear me squall. She cried, ooh-wee, I believe I changed my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. My baby knows just how to treat me right. Plenty love and morning, noon and night. She cried, ooh-wee, I believe I changed my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. Sweet like wine. And when she kisses me, I get high. Every time she cried, ooh-wee. I believe I changed my mind. She said, I'm so glad I'm living. I cried, I'm so glad you're mine. Que vous pensez que je n'ai écrit que des chansons d'amour dans ma vie. Hein? Oui. Mais vous ne me connaissez pas. J'ai même écrit des chansons grossières dans ma vie. Pas beaucoup. Quelques-unes. Pas vulgaire. Un peu vulgaire. Disons sur les bords. Mais jamais cochonne. Ben, je dirais semi-cochonne, oui. Mais jamais plus que ça. La première que je vais vous en chanter une, puis celle-là... Elle est assez cochonne, c'est celle que vous préférez. Tellement que vous la savez par cœur. Alors tout le monde ensemble. Plus ça va me séparer, je passe mes deux oreilles et ma tête. Deux yeux, je vous montre ce que je veux. Pardon pour la misère, qu'est-ce qu'il y a, non? Non, j'ai pas dit taper, là. J'ai dit chanter. Vous avez oublié les paroles. Suivez ma bouche. Plus avant moi, c'est pareil, je passe mes deux oreilles. Même avec deux yeux, je vois pas tout ce que je veux. Parlez-moi pas de la misère, parlez-moi des malheureux. La seule chose que j'ai à faire, c'est d'essayer d'être heureux. Ça, c'est pas du boudin, ça pousse pas comme des carottes. Ça pointe tête des lunettes et un moral illimité. Pour trouver de la poésie dans un monde écologique, qui est du qui paraît ce alcool et qui est délicieux. Wow, wow. Quelle vidange, quel manque de sexe, y'a plus rien à l'index, non, non. Les hommes, les femmes ont pas, les hommes ont deux, les femmes ont trois. Quand je dirais go, mélangez-vous et puis soignez votre compagnie. Tout le monde en cas. C'est dans un poste de police que j'ai rencontré Mimi. Mimi, son nom c'est Maurice. Maurice, c'est un travesti. Qui est marié avec Carole, ça c'est que la pharmacie. Qu'on appelle aussi la folle, mais qui est beaucoup moins jolie. Que la reine des tapettes, qu'on appelle la grande chaise. Que les deux plus petites fesses et les plus petits grains d'audée. Quand même des petits tatons pour les pipis, les plus cochons. Et qui fait tout gratuit pour les pipis, les plus gentils. Oui, oui. Quelle vie d'orgie, quel monde de sexe. Y'a plus rien à l'index, non, non. Les hommes ont les femmes ont femmes, les hommes ont deux, les femmes ont trois. Quand je dirais go, mélangez-vous et puis soignez votre compagnie. Attention, monsieur cochon, au signal. Samedi soir à Saint-Zidon, il y avait pas autre chose à faire. On me dit on vient une danse, on va danser chez lui. On s'est trouvé un violon, un salon des partenaires. Et la soirée commence, c'était vers 8h30. Entrez mesdames, entrez messieurs. Marianne s'appelle Robin qui relance ses yeux. Puis bon ami, c'est sous les bars, on décolle des fils et gamble. L'aime à faire les choses en grand, vient d'arriver du coup. Là aussi Jean-Marie, mon cousin, mon ami. Car ils appellent la vie avec ses yeux, les vernis. Le flamme, comme on dit, comme un gommi voyageur. Ça c'est cochon. C'est moi qui ai écrit ça. Merci, j'ai fait une bonne job, je pense bien. Merci. Je lui ai prêté. J'ai dit bonjour mademoiselle, elle m'a pas dit bonjour monsieur. Je t'ai vu, tu viens, moi dis bien, on s'est retrouvés dans tout satin. Parlez pas de la misère, parlez pas des malheureux. J'étais déjà plus pubère qu'on était déjà plus deux. Il y avait moi, il y avait son ami d'enfance, il y avait Nicole, sa cousine, qui regardait par la cuisine pendant que le petit Nicolas rêvait dans une rue cochonne pour déranger la bonne qui était dans tous ses états. Oh, oh. Quelle vie d'orgie, quel monde de sexe, y a plus rien à l'index, non, non. Les hommes aux hommes, les femmes femmes, les hommes aux deux, les femmes aux trois. Quand je dirais go, mélangez-vous et puis soignez votre compagnie. Oh, Y a du monde qui font le tour du monde en première classe où y a pas de monde. Du monde qui ont le tour avec le monde. Du monde qui joue des tours au monde. Du monde choqué qui claque la porte pour aller faire le tour du bloc. Il y a du monde qui aime leur blonde et qui sont heureux en amour. Heureux en amour. Il y en a heureux en amour. Des ardents, des distants, des troublants, des marrants. Heureux en amour. Des frissonneuses et des flatteurs. Des patineuses et des tombeurs. Heureux en amour. Des esquimaux, des estivantes. Des petites fesses, des gros vents. Heureux en amour. Des polices montées. Des chanteurs descendus. Il y en a. Il y a des blondes qui sont pas du monde. Qui lèvent le nez sur le bon monde. Et qui s'ennuient dans le grand monde. Dès qu'ils font leur adieu au monde. Des blondes choquées qui claquent la porte. Dès qu'ils font un saut au Maroc. Il y a des blondes qui aiment le monde. Parce qu'elles sont heureuses en amour. Il y en a, cachez-vous pas, heureux en amour. Des Lolitas, des grands-papas, des écolières, des ours en peluche. Des grandes bourgeoises, des petits quillards, des veuves joyeuses et des perruches. Des chauds lapins, des allumeuses, des moutons noirs, des blanchisseuses. Des rouges carottes, des vers de peur. Des petits beaux-frères, des petites belles-sœurs. Des plongeurs, des hôtesses de l'air. Des parachutistes, des réceptionnistes. Des grandes coquettes, des pique-assiettes. Des pique-niqueuses, des hommes sandwich. Des spaghettis et des choucroutes. Des majorettes et des boy scouts. Des Sainte-Nitouche et des narcisses. Des venu-pieds, des topless. Des m'as-tu vu, des visionnaires. Des pharmaciens avec des paquets de nerfs. Des faces à claques et des boxeurs. Des femmes à barbe et des roseurs. Des grognasses avec des blonds fadasses. Des pots de colle avec des armoires à glace. Des tennismen et des ballerines, des skieuses de fond et des motards flyés, des anarchistes avec des anesthésistes. Des belles de nuit, des parapluies. Thank you. On va maintenant parler d'un sujet brûlant d'actualité depuis la nuit des temps. On va parler de cul, hostie. Tu as mon vie.